Chapitre 350. L'interdiction d'intercéder pour obtenir l'annulation d'une peine prévue par la loi. Allah Ta'ala dit: الزانيه والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلده ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. La fornicatrice et le fornicateur, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet, et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah, si vous croyez en Allah et au jour dernier. Sourate 24, verset 2. 1770. D'après Aïcha, radiallahu anha, les Quraysh furent préoccupés par le cas de la femme des Bani Makhzoum qui avait commis un vol et s'interrogèrent qui pourrait intercéder en sa faveur auprès du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Puis ils se dirent, qui peut oser intervenir si ce n'est Usama ibn Zayd, le bien-aimé du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam. Usama parla donc au prophète, sallallahu alayhi wassalam, qui lui répondit, intercèdes-tu alors qu'il s'agit d'une peine prescrite par Allah Ta'ala? Puis il se leva et exhorta les gens en disant, ceux qui vous ont précédés n'ont péri que parce que lorsqu'un noble volait parmi eux, ils le laissaient aller, mais si un faible commettait un vol, ils lui appliquaient la sentence. Par Allah, si Fatima, la fille de Muhammad, volait, je lui couperais la main. Al-Bukhari et Muslim. Dans une autre version, le visage du messager d'Allah, alayhi salatu wassalam, changea de couleur et il dit « Intercèdes-tu pour faire annuler une peine prescrite par Allah ?» Usama dit « Ô messager d'Allah, implore le pardon d'Allah en ma faveur. » Puis il ordonna, alayhi salatu wassalam, que la main de cette femme soit coupée.